for Loving You, le groupe Kiss sur RGM. Il est presque 8h38, on passe aux anniversaires. Ils sont nés un 20 décembre 1945, naissance de Peter Criss, musicien américain du membre Kiss. Y est arrivé entre les années 73 et 80. Ensuite, il est revenu dans le groupe entre 96 et 2001, de 2002 à 2004, et il a été remplacé définitivement maintenant. 1950, naissance de Bruno Moineau, acteur français vu dans Les Bronzés font du ski dans le rôle de Gilbert Seldman, Le Père Noël est une ordure dans le rôle de Monsieur Preskovic, Papy fait de la résistance ou encore Rien à déclarer. 1956, naissance d'Anita Ward, chanteuse américaine. 1961, naissance d'Yvan Le Bolloc, animateur, acteur français, connu pour son rôle de Jean-Claude Convenant alias JC dans Caméra Café ainsi que dans les films Espace Détente et Le Séminaire, vu également dans les séries Kaamelott, Scène de Ménage, Doc Martin ou encore Candice Renoir. 1966, naissance d'Hélène Rollès, actrice et chanteuse française, connue pour son rôle d'Hélène Girard dans tout d'abord Premier Baiser, ensuite Hélène et les Garçons, Le Miracle de l'Amour, Les Vacances de l'Amour et depuis quelques années maintenant Les Mystères de l'Amour, qui cartonne hein, d'ailleurs tous les week-ends hein, sur la TNT. Et on va se remémorer quelques souvenirs. On va retourner dans les années 90 avec l'extrait du titre qu'elle interprétait. Et ça s'intitulait tout simplement « Je m'appelle Hélène ». Petit souvenir. Hélène, je m'appelle Hélène. Je suis une fille comme les autres. Hélène, j'aime mes joies, mes peines. Elles font ma vie comme la vôtre. Je voudrais trouver l'amour, simplement trouver. Je m'appelle Hélène, je suis une fille comme les... Voilà pour le petit souvenir, hein. Je m'appelle Hélène, interprété par Hélène Rollès. 1970, naissance de Nicole de Boer, actrice canadienne, connue pour son rôle du lieutenant Ezri Dax dans la série télé Star Trek Deep Space Nine, vue également dans la série Dead Zone dans le rôle de Sarah Bracknell Bannerman, ou encore Stargate Atlantis, ou encore Perception. 1973, naissance de Nadia Fares, actrice française, vue dans Les Rivières Pourpres dans le rôle de Fanny Ferreira, l'ex-femme de ma vie dans le rôle d'Ariane, Chacun sa vie, ou plus récemment Lucky Day. 1981, naissance de Julien Beneteau, ancien joueur de tennis français, ayant fait carrière de 2000 à 2018, qui a été 25e mondial en simple en 2014, quart de finaliste à Roland-Garros, 8e de finaliste à Wimbledon, 16e de finaliste à l'Open d'Australie ainsi qu'à l'US Open. En double, il a été numéro 5 mondial en 2014 également. Il a gagné une fois Roland-Garros, il a été une fois finaliste à Wimbledon, demi-finaliste à l'US Open, quart de finaliste à l'Open d'Australie. Aux Jeux Olympiques, il a remporté une médaille de bronze, c'était en double côté de Richard Gasquet, et en 2017 avec l'équipe de France il a remporté une Coupe Davis et il sera le futur entraîneur de l'équipe de France féminine de Fed Cup. 1982, naissance de Kenny Arcana, rappeuse française. 1983, naissance de Jonah Hill, acteur américain vu dans 40 ans toujours puceau en Clock, Mode d'emploi dans le rôle de Jonah, Evan Tout-Puissant, La Nuit au Musée 2 dans le rôle de Brandon, Le Stratège dans le rôle de Peter Brand, Babysitter malgré lui, 21 Jump Street ainsi que la suite 22 Jump Street dans le rôle de Morton Schmidt. Il se murmurerait d'ailleurs qu'il y aurait un troisième volet à faire à suivre. Vu également dans Le Loup de Wall Street dans le rôle de Donny Azoff. 1998, naissance de Kylian Mbappé, footballeur français qui est professionnel depuis 2015, qui était en contrat de 2015 à 2018 avec Monaco, club d'ailleurs avec lequel il a été champion de France. À partir du mois d'août 2017, il a été prêté au Paris Saint-Germain et depuis cette saison, il fait officiellement partie du PSG. Champion du monde à seulement 19 ans, il a marqué la compétition en devenant le plus jeune joueur à inscrire un doublé en phase éliminatoire de Coupe du Monde depuis Pelé, qui avait 17 ans à l'époque. C'était en 1958. Et ce doublé, il l'inscrit lors de la victoire 4-3 en huitième de finale face à l'Argentine, on s'en souvient. Et puis, il est devenu le plus jeune joueur à marquer en finale de Coupe du Monde, toujours depuis Pelé, lors de la rencontre pour le titre face à la Croatie, gagné 4-2. Là aussi, on s'en souvient, même si c'est un petit peu moins facile à retenir que les 1 et 2 et 3-0 d'il y a 20 ans. D'ailleurs, Pelé qui a déclaré sur Kylian Mbappé qu'il était, son digne héritier, on va dire. Désigné meilleur jeune joueur de la compétition par la FIFA. Et il y a quelques semaines, il a remporté le trophée Copa en tant que meilleur joueur mondial de moins de 21 ans. 1968, décédé John Steinbeck, romancier scénariste américain, prix Nobel de littérature en 1962. Dans ses œuvres principales, on peut citer Des souris et des hommes, Les raisins de la colère ou encore À l'est d'Éden. En 1999, décédé Hank Snow, chanteur et guitariste de musique country d'origine canadienne. On écoute tout de suite un extrait du titre I Am Moving On. That big eight wheeler rolling down the track means a true loving daddy ain't coming back, 'cause I'm moving on. I'll soon be gone. You are flying too high for my little old sky, so I'm moving on. That big loud whistle as it blew and blew said, hello to the Southland, we're coming to you, and we're moving on. Oh, hear my song. You had the laugh on me, so I've set you free, and I'm moving on. Mr. Fineman, won't you please listen to me, 'cause I got a pretty mama in Tennessee. Keep moving me on, keep rolling on. So shovel the coal, let this rattler roll, and keep moving me on. Mr. Engineer, take that throttle in hand, this rattler's the fastest in the southern land. Keep moving me on. Voilà pour l'extrait interprété par Hank Snow. En 2009, décédée Brittany Murphy, actrice américaine vue dans Clueless, 8 Mile, le rôle d'Alex, ou encore Pour le meilleur et pour le rire dans le rôle de Sarah McNerney. Et en 2016, décédée Michèle Morgan, actrice française vue dans Le Quai des Brumes de Marcel Carnet dans le rôle de Nelly, La Symphonie Pastorale, où elle interprétait le rôle de Gertrude, qui au Festival de Cannes a été récompensée par le Grand Prix d'interprétation féminine, vue également dans Fabiola dans le rôle de Fabiola, Les Orgueilleux d'Yves Allégret ou encore Napoléon de Sacha Guitry dans le rôle de Joséphine de Beauharnais. Allez, petite pause avec Anita Ward et le titre Ring My Bell. Ring my bell, Anita Ward, sur le 107 FM, un peu plus de 8h49, on fait un point météo. La météo. Alors, pour l'instant, il y a quelques éclaircies, hein, mais malheureusement, ça ne va pas durer. Aujourd'hui, ce sera nuages, pluie et des rafales de vent. Des températures comprises entre 5 et 6 degrés ce matin, entre 6 et 8 degrés pour cet après-midi. Vendredi, pluie et vent également au programme. Des températures comprises entre 5 et 6 degrés le matin, entre 7 et 9 degrés pour demain après-midi. Pour samedi, ce sera pluie et vent avec quelques éclaircies en pleine. Des températures comprises entre 7 et 8 degrés le matin, entre 9 et 11 degrés prévues pour samedi après-midi. Allez, on file tout de suite vers l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Allez, on commence avec le football et les résultats de la Coupe de la Ligue où Lyon s'est qualifié 3 buts à 2 à Amiens. Bordeaux s'est qualifié 1 but à 0 sur la pelouse de Dijon. Le Havre s'est qualifié 2 buts à 1 face à Nîmes. Rennes s'est qualifié 2 à 1 face à Nantes. Monaco s'est qualifié 1 but à 0 face à Lorient. Guingamp s'est imposé 1 but à 0 sur la pelouse de Nice. Et enfin, Strasbourg s'est qualifié face à l'Olympique de Marseille après la séance de tir au but 4 à 2. Les quarts de finale auront lieu les 8 et 9 janvier prochains. Ils opposeront Lyon à Strasbourg, Monaco à Rennes, Bordeaux à Le Havre et le Paris Saint-Germain à Guingamp. Et du côté de chez nous, en National 2, Épinal s'est imposé à Fény sur le score de 3 à 2. Un mot de basket maintenant avec les résultats de la NBA. L'équipe de Charlotte de Nicolas Batum et Tony Parker, tous deux à 12 points, s'est imposée 110 à 99 face à Cleveland. L'équipe d'Orlando d'Evan Fournier à 12 points s'est incliné 90 à 129 face aux Spurs de San Antonio. L'équipe de New York de Tilikina à 3 points s'est incliné face à Philadelphie 131 à 109. Boston s'est incliné face à Phoenix 103 à 111. Les Français Yabusele et Okobo n'ont pas joué. Tout comme Miami qui n'a pas joué avec Washington qui s'est incliné face à Houston. L'Utah Jazz de Rudy Gobert plutôt en forme cette nuit, hein, 17 points, 15 rebonds. Bah, malheureusement, ça a suffi face aux 32 points de Stephen Curry. Ils se sont imposés, l'Utah Jazz 108 à 103 face aux Golden State Warriors. Et enfin, l'équipe d'Oklahoma de Luau Cabarro qui a seulement joué 1 minute 36 s'est imposée face à Sacramento 113 à 132. Un mot de hockey sur glace avec la Coupe de France. On connaît les 4 demi-finalistes. Il s'agit de Amiens, Chamonix, Lyon et enfin à Strasbourg, et le tirage au sort des demi-finales aura lieu cet après-midi. On termine avec le biathlon en IBU Cup en Autriche. Hier, l'individuel a été remporté par Simon Fourcade avec un 20 sur 20 au tir. Pour Novogien, c'était plus compliqué. Les frères Claude ont tous les deux tiré à 15 sur 20. Fabien Claude a terminé 32e avec tout de même le 3e temps de ski, mais malheureusement 15 sur 20, hein, c'est beaucoup. Et son petit frère Emilien a terminé 50e. Les prochaines épreuves en IBU Cup, ce sera un super sprint vendredi suivi d'un sprint samedi. Et Simon Fourcade, avec ses résultats, eh bien, on pourrait bientôt le revoir en Coupe du Monde, pourquoi pas après la trêve de Noël. Et d'ailleurs, la Coupe du Monde cette semaine, c'est en République Tchèque à Nové Mesto. Aujourd'hui, c'est le sprint, les dossards français. Pour Simon Détieu, ce sera le 34 pour Antonin Guigona, le 39 pour Martin Fourcade, le 55 pour Émilien Jacquelin, le 83 pour Quentin Fillon-Maillet. Il faudra attendre quasi la fin de course pour retrouver Aristide Bègue avec le dossard 100. Ils seront 107 à partir. Florent Claude, lui, aura le dossard 22 et suivi juste derrière lui avec le 23 de Johannes Bö. Et on fera un point complet, hein, sur le programme de Nové Mesto demain. Allez, on va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec la chanteuse Kenny Arcana et le titre « Je me barre ». Mais promis, je reste avec vous, on n'en a encore pas fini. La routine et le manque de vie qui se tasse, sac à dos à arrache, allez hop, je me casse et je vais pas passer ma vie prisonnière de la leur qui t'a galéré. c'est clair. J'ai pas liberté qui m'attend, juste devant. Je vais pas la faire patienter, 1, 2, 3. Tiens tout le monde, allez pas le temps, bon plat bas. Je suis toujours la seule à partir. Putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie. Là où le système en sorcelle, à coup de vibes sorties. Pour moi, un atelot est fait pour essayer d'en sortir. Alors je me barre, besoin d'aller respirer autre part. Et si on veut me dresser, me faire avancer ou pas. Moi j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura. Les flicots que j'ai entendu dire la petite en aura. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer autre part. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer autre part. Toujours en train d'improviser à chacune de mes courses. Dans les bras de la liberté, un tas de contrôleurs à mes trousses. Porté par le vent, aller dire aux uniformes sur les nerfs qu'ils ne m'attraperont même pas en rêve. Par un frisson, un éveil, même quand je dors connecté à mon intuition, j'ai rien à craindre. Percé par le champ de la lune, la chance dans les mains, libre enfant de la rue. Loin du monde, des adultes illogiques et rigides, fugitifs de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. Fuck, c'est peut-être con, mais c'est ainsi. J'insiste, vos lois sont immorales, ma délinquance a des principes, alors laissez-moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez voir en paix. Plutôt une balle dans la tempe, enivrée, où mon cœur me porte, je m'en irai. Moi, je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer autre part. Je me barre. Tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer autre part. Libre, ça me suffit, c'est impec. Moi je suis bien quand j'ai rien. Car pour être libre, faut avoir rien à perdre. Ma liberté a rendu vers les hommes en bleu. Cache d'escalier comme l'eau, j'y change. Quand je veux, change de ville quand je veux. Et nous sans domicile, je vagabonde les yeux ouverts. L'enfant des rues est en visite, me méfiant de l'adulte comme de la peste. Car l'adulte est une balance, un collabo ou un trait. Croisant mon expérience, sous pression, car ma juge est en colère. Laissez-moi vivre, de toute façon j'ai plus le droit d'aller au collège. Alors merde, aujourd'hui j'ai 14 piges. Fils depuis un bout de temps, j'ai pris de la bouteille et j'ai besoin de personne. La vie m'éduque et la vadrouille m'ouvre l'esprit. Les rencontres m'apprennent bien plus que leurs profs. Bref, c'est l'école de la vie, à l'air libre, là où le ciel est le toit. Entre ciment et belle étoile. Voilà, c'était Kenny Arcana avec son titre « Je me barre » sur RGM, un peu plus de 8h57 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui à 9h, la rediffusion de La Parole est à vous avec Michel. 13h30, la rediffusion de la chronique de Michel. 14h, Clip Clap, on tourne avec Tanguy. 15h, à l'écoute des jeunes avec Cassandra. 16h, Les années bonheur avec Gilou. 18h, L'heure des loups avec Lou, consacré à Jean-Nicolas Mathieu. 20h, Jukebox. 23h, Rock à la Casbah. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit pour la dernière de la semaine et la dernière déjà de 2018. Ciao, ciao.